Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a inséré le 19 août un éditorial contre le milieu politique qui tourne le dos à l'éclaircissement du dossier de la catastrophe du paquebot Séoul.